Hermanos y hermanas de Asia, de África, Oceanía, Europa y América. Bienvenidos a las montañas del sudeste mexicano. La jungle des luttes, programme proposé par le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte, c'est tous les troisièmes lundis du mois de 19h à 20h30 en direct et retransmis le jeudi matin de 8h à 9h30. Alors, on est avec Denis dans le domaine de la crèverie. Il n'est pas tout seul, on est. Il y a une vingtaine de personnes qui bossent. Bah, ben, c'est que ça bosse, donc il faut suivre. Hein. Donc là, vous entendez, il y a des bruits de failles, des bruits de sécateurs. Et du coup, on est dans les vignes, donc il y a des gens qui travaillent ensemble. Donc, tu peux me raconter, c'est l'un des premiers jours de vendange, c'est ça? Donc, bah, je te situe un peu, on est. Le domaine de Cabré, c'est un des lieux du mouvement Langomaille. Bon, on y reviendra peut-être hein, sur Langomaille tout à l'heure, mais en gros, c'est un lieu qui est autogéré. Donc on vit, c'est un collectif. Donc, ici, on est une dizaine adulte à vivre en permanence dans cet endroit, donc qui est dans le Luberon. Donc on a de la vigne, on fait du vin, qu'on vinifie nous-mêmes, on fait absolument tout, mais après on a aussi... Donc je disais qu'on était donc sur le domaine de la cabrerie. Donc on fait essentiellement de la vigne, mais aussi donc des céréales, pour du pain, enfin pour des copains qui font du pain, donc pour Longomaille en partie, mais aussi pour d'autres copains quoi, qui sont boulangers. Donc on fait des farines, enfin on fait des céréales plutôt, des vieilles variétés. Vous êtes en bio, vous faites On est tous en bio. Après, nous, on n'est pas trop branchés sur l'histoire de labels, et de normes et de réglementations, etc. Mais vous savez comment vous produisez. Mais on est labellisé bio parce que c'est l'histoire à la con de commercialisation. Mais c'est plus une manière de... On faisait du bio avant qu'ils inventent 36 labels et 36 contrôles. Et voilà, donc on fait ça. Et après, on a des moutons et des vaches. Voilà. Tout ça sur le domaine de la cabrerie. Tout ça sur le domaine de la cabrerie. Et puis après on fait des productions pour nous quoi. Donc on fait des légumes quoi, on a un jardin pour nous, on a des poules, des œufs, des choses comme ça. Quoi. Qui sont plus de l'ordre de l'autosubsistance. Donc il y a une partie des productions qui sont directement vouées à la consommation. Pour notre consommation et une partie notamment le vin. Donc on essaie de commercialiser uniquement sur des réseaux classiques, quoi, hein, soit des gens viennent ici, soit des AMAP, on fait des marchés, choses comme ça. Dans la région, quoi, on vend tout le vin dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà, puis on essaie de faire vraiment des vins. On n'est pas encore au vin naturel parce qu'on a un peu de sulfite, c'est très à la mode de parler des sulfites. On en met un peu. On commence à. Voilà. On en met très peu, mais on en met un peu. Mais c'est tout. Voilà. Donc on est quand même assez propre, quoi. Même voire très propre. Mais voilà, après on fait. Ça, c'est nos histoires à nous. Et donc ici, je disais, on est une dizaine de personnes, donc des gens d'horizons très, très différents, avec des parcours très différents, de nationalités aussi différentes. Voilà, le groupe qui est ici, c'est un groupe qui est en fait qui s'est étoffé là depuis 6 mois. Donc pendant un moment ça a un peu végété parce qu'on était 4 ou 5, puis là maintenant il y en a d'autres qui sont arrivés, donc on est maintenant une dizaine. Il commence à être une équipe un peu plus conséquente et donc on va pouvoir avancer sur le projet, sur ce qu'on a envie de faire. Quoi. Sachant qu'on, le domaine de la cabrerie, là, il y a combien de temps que vous êtes là? Alors ça fait 20 ans que Longomaille a acheté cet endroit, donc il n'était pas dans l'état où il est maintenant, puisqu'il y avait déjà un peu de vignes, mais d'autres vignes ont été replantées, la maison était, c'était un vieux mas, enfin, tu as vu, mais ça a été retapé, qui a été retapé, etc. Donc, mais la plupart des gens qui sont ici maintenant sont là depuis beaucoup moins longtemps. Quoi. Puis, ouais, ça a tourné. Il y a eu... voilà, quelques années, puis d'autres gens depuis moins longtemps, sauf une personne qui est là depuis le début. Donc il y a quand même quelqu'un qui a l'histoire du... Voilà. L'histoire du lieu. Voilà. Après, c'est comme ça fait partie du réseau Longo... Ça tourne aussi, c'est des gens qui peuvent être sur d'autres lieux. Voilà, il y a aussi des gens qui viennent d'ailleurs, puisqu'on est... le plus gros lieu Longoma est dans les Alpes de Provence, donc c'est pas très loin d'ici, c'est à 40 bornes d'ici, un peu plus au nord, donc sur Fort-Calquier. Donc là, c'est un endroit où il y a 80 personnes en permanence, c'est une grosse structure qui a 40 ans d'existence, puisqu'ils ont... C'était le 40e anniversaire cette année. Hein. Et donc, on a pas mal aussi d'échanges entre nous, etc. On se coordonne pas mal, on fait... Il y a des productions, par exemple, qui s'échangent site et un autre. Voilà, ouais. Parce que sur Longo, il y a donc cette ferme-là, la cabrerie, il y a... Donc ce qu'on appelle Grange d'œuf qui est aliment, dont je viens de parler, il y a une autre ferme qui est dans les Bouches-du-Rhône, vers Arles, qui s'appelle le Mas de Granier, qui est un peu plus similaire à ici en... Ils font du vin aussi. Non. Ils font des légumes. Des légumes, puis ils font d'autres choses, mais plutôt des légumes. Et puis il y a une filature qui est à Briançon, qui elle fait que la transformation de lainière. La transformation lainière de laine. Donc ils font de la laine, enfin ils récupèrent de la laine, ils la lavent, ils font du fil, des pulls, des couvertures, etc. Et puis il y a une autre ferme qui est en Ardèche cette fois, donc dans le massif central, qui s'appelle Trénas, et où ils sont aussi entre 10 et 15, une quinzaine. Et eux, ils sont plus sur le bois, quoi. Ils font des menuiseries, ils font des charpentes. Bon, après, ils ont aussi. Puis eux, ils font tout en traction animale, par exemple, alors que nous, on est en tracteur, comme on a ouais, entendu. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, enfin, au moins, vous ne faites pas vos vendanges avec des machines. C'est non, déjà non, ça. Non, c'est ça, à la main, à l'ancienne. On est les seuls, je crois, dans le coin encore. Enfin, parmi les seuls à faire ça, là-bas. Ouais, et vous avez combien de surface, du coup? Alors, on va se pousser un peu, là. On a 10 hectares de vignes, avec pas mal de cépages différents, donc des cépages de rouge, de blanc. Voilà, et puis pour le moment, pour des raisons d'infrastructure, on vinifie une partie nous-mêmes, donc on fait le vin ici. Et puis le surplus, on vend le raisin, ce qu'on coupe maintenant, là par exemple, le grenache blanc, là, ça partira demain matin à la coopérative au village, quoi. Une coopérative un peu à l'ancienne qui elle fait récupère le raisin des gens du coin, là. Et après, ils font le vin, voilà. Après, ils font un vin qui est pas terrible. Voilà. Donc après, voilà. Donc ça, ce qu'on ramasse là, c'est on va pas le vinifier. Donc, si tu es encore là demain, tu verras que demain on va ramasser du rouge et qu'on va dans la foulée, c'est-à-dire en fin de journée, une fois qu'on aura nos bennes de raisin, qu'on va vinifier directement, donc mettre le raisin en cuve et démarrer les fermentations. Enfin, mettre en tout en branle pour que les fermentations démarrent pour faire pour le coup faire du vin. Quoi. Voilà, si vous ne pouvez pas tout faire, c'est parce qu'il vous manquait de cuves, d'espace. Voilà, ouais, manque de place, de caves, etc. Quoi, question d'infrastructure. Ouais. Et ça, vous pensez du coup petit à petit pouvoir venir à tout vinifier. Voilà, on est en train de. Ouais, on est en réflexion là-dessus parce que. Après, il faut pouvoir le distribuer aussi. D'abord, il faut pouvoir le distribuer. Donc, ça, c'est. Franchement, tous ces trucs-là, le plus chiant, c'est la vente. Ouais. Parce que du coup, ça représente combien de litres en fait? Les 10 hectares, là, vous produisez à plus ou moins combien de litres? Alors, nous, on vinifie pas 10 hectares, mais on vinifie à peu près, je dirais, on fait, pour parler, 15 000 litres par an de vin, à peu près. Quoi. Sur les 5 hectares? Sur 5-6 hectares, ça dépend un peu des années, ça dépend un peu des rendements de l'année, etc. Tu vois, cette année, par exemple, on est vachement en retard, là. On démarre les vendanges alors qu'on est quasiment au mois d'octobre. Par rapport au manque de soleil qu'il y a eu au printemps, manque de chaleur. Donc, l'année dernière, on avait fini. On avait fini et là, on démarre. Et donc là, il y a plus de 10 personnes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont venues les vendanges. Et c'est des gens qui sont du réseau Logomagne ou pas forcément? Pas beaucoup, en fait. C'est plutôt des gens qui viennent d'ailleurs, des copains, copains de copains. Donc c'est... Voilà, c'est des gens qui profitent pour passer... un moment dans les vignes. Voilà. Profiter de la vie. Et puis quand on a... là aujourd'hui c'est une petite journée quoi, une petite... et donc ça va, mais demain par exemple c'est une grosse journée. Donc, demain on a des groupes qui vont venir de... Du renfort. De l'autre ferme là, de Fort-Calquier, qui vont venir pour la journée nous aider quoi. Comme c'est pas très loin, ils viennent, ils vont nous aider à ramasser. Puis, après, de manière à pouvoir faire en une journée. Ouais, de ramasser tout le volume qu'on a besoin pour que ça soit bien, qu'on puisse tout faire dans la foulée. C'est parce que là, une fois qu'il est coupé, là, vous allez l'emmener à la coopérative ce soir même ou ça attend demain matin? Là, demain matin, ouais. Voilà, c'est aussi... ça, c'est intéressant, les gens ne savent pas du tout, mais autrefois, avant l'arrivée des machines, avant de manger, puisque maintenant, tout se fait à la machine, ce qui ressemble plus à de la moisson qu'à de la vendange, parce que les machines, tu vois, là, on ramasse une grappe entière, tu vois, de boisins, jolis, qu'on met dans le seau, etc. Les machines, elles passent par-dessus, elles arrachent tout, et elles font tout est broyé, tout est en jus, c'est de la pâte, c'est plutôt pareil quoi. Du coup, ça fait des jus extrêmement fragiles qui risquent d'oxyder, alors que dans le raisin, ça reste, tant que c'est en raisin, ça risque rien, ça peut se garder. C'est ça, du coup, il n'y a pas d'urgence pour Il n'y a pas d'urgence, mais du coup, Il n'y a pas d'urgence. Pas laisser se fermenter non plus. Du coup, les machines ramassent travaillent la nuit. Les coopératives fonctionnent la nuit maintenant, alors qu'autrefois, les gens ramassaient à la main le soir et le raisin était pris et pressé le soir. Maintenant, les machines travaillent la nuit. Donc, nous, on est soumis aux horaires des machines. Et donc, on ne peut pas amener le raisin. Les coopératives ferment à midi. Elles ouvrent à 3h du matin et elles ferment à midi. Donc les gens qui ramassent à la main, si tu veux, ils n'ont pas le choix que d'attendre, que de faire patienter les raisins le lendemain, ce qui est quand même pas non plus. Tiens, regarde, il y a un nid. Ah bah oui, superbe, il n'y a pas de petits. Bah, non, les œufs sont plus là, ça y est. Les petits ont pris leur envol déjà. Voilà. Et donc le côté vendange, tu vois, dont tout le monde a encore l'image, bon, qui se fait encore un peu, hein, où t'as des grandes tablées festives, tu vois, des gens qui se retrouvent un peu comme on fait nous, quoi. Tu vois, ce soir on va manger, on va être à une vingtaine à table, etc. Ben maintenant c'est fini, c'est que des machines, donc ça a plus du tout le même charme. À 2h du mat. Et puis il y avait le fait que tu fasses à la main, j'imagine que bon bah vous êtes dans un mode de fonctionnement un petit peu collectif, etc. Mais je pense que les n'importe quel viticulteur, en général, demandait de l'aide à un pote, collègue, ils prête une machine. Ils embauchaient des jeunes, etc. Maintenant, les gars, ils étaient à 2h du mat, ils vont près de la machine, et puis ils attendent que la machine leur dégueule le jus, qu'ils amènent à la COP, et c'est la nuit, quoi. Donc, dans les coopératives, par exemple, l'année dernière... Et ils le font la nuit, pourquoi? Parce que le raisin reste frais, ça reste froid, et que ça oxyde. Faut pas qu'il ait pris la chaleur, voilà, ouais. Parce que comme il le maltraite avec la machine, voilà, il faut qu'il maximise le... C'est broyé. Ouais. Ça, c'est une des raisons principales. Mais du coup, ça rend les vendanges une espèce de corvée de récolte à faire le plus rapidement possible. Parce qu'il n'y a plus du tout... Alors évidemment, chez tous les gens en France qui travaillent correctement, qui font du vin, ils font encore ça la plupart, hein, pas tous, mais ils font encore ça à la main, parce que je ne vois pas comment on peut faire du vin buvable... Il a ramassé la machine, ça faisait pas. Et celle-là, tu la prends pas, tu l'as oubliée, ou elle est. Ouais, il y en a à pas prendre en fait. C'est pour ça ce que tu dis, mais c'est pour ça que je voulais pas te faire foirer les. Comme j'ai entendu tout à l'heure qu'il fallait tout prendre et rien laisser, je voulais essayer de pas faire perdre ton boulot, tu vois. Et puis si on laisse une grappe, c'est pas très grave, c'est les oiseaux qui la mangent. Qui les mangeront. Et nous, on passe les moutons. Une fois qu'on a fini les vendanges, pour brouter. Là, les moutons, ils sont à l'alpage. Là, ils vont rentrer là d'ici 8 jours. Donc après, on les met dans les vignes. Et puis, c'est eux qui se régalent, tu vois, qui finissent. Le raisin. Ils mangent les feuilles là. Et puis. Les mauvaises herbes. Les petits grappillons là, qui traînent, là, qu'on n'a pas ramassés ou qui ne sont pas mûrs. Ça, parce qu'après, il va falloir tailler les vignes une fois que vous avez fait les vendanges. Ah, non, ou ça, on taille. Ça, c'est en hiver, ça. C'est tout ça. En plein hiver. Février-mars. Ouais, ouais. Ah, d'accord. Après l'hiver, alors voilà, plutôt. Au tout début du printemps, quoi. C'est le premier boulot du printemps. Puis c'est pareil, nous on le fait. On a pas mal de copains qui viennent, donc on arrive à le faire en un mois et demi. Souvent, oui, c'est long. Ben c'est long, non, parce que souvent les gens. Non, mais enfin, je veux dire, je me rendais pas compte. Les gens qui sont seuls ou à deux, ils font ça pendant 3 mois, quoi. Hein, c'est ouais, bien, non, c'est ça, c'est un vrai boulot, ouais. Un peu facile. Parce que ça, ils le font pas à la machine quand même aussi. Non, ils le font à la main. Bon, après, beaucoup ont des sécateurs électriques, mais ils sont encore ça, à pied. Il voilà, n'y a pas encore des machines. Ouais. Si, il y en a aussi, mais enfin là, ça devient un peu. Ici, c'est encore. Ah non, mais j'ai bien sûr, non, bien sûr, mais du coup. Non, mais les machines existent. Ouais, c'est ça, on est bien d'accord, les machines existent pour tout. Donc. Et vous, à part votre tracteur, vous n'avez pas de machine. Enfin, au niveau de la fermentation, tout ça, là, il faut forcément des machines avec... Enfin, on ira tout à l'heure, là, tu m'as parlé d'une cuve. Ouais. Ça a commencé à respirer fort. Ici, il y a pas mal de machines. Attends, j'étais où, là? Ici, il y a pas mal de travail mécanique, dans le travail du sol, surtout. Puisque vu que nous, on est en... On travaille sans produits chimiques, sans pesticides, sans ce truc-là... Notre seul atout, c'est de travailler le sol, donc de faire des engrais verts, de tout travailler au pied, que ça reste propre, donc on met pas de... Tu vois, c'est propre là, mais tu vois, c'est l'herbicide, parce que... On y est passé mécaniquement, quoi. Voir à la binette, par endroit. Et donc, ces petits escargots blancs, là, ouais. C'est positif, négatif, parce que je suis passé dans un champ un peu plus loin et qu'ils étaient complètement en train d'étouffer des oliviers en fait. Enfin d'étouffer, j'en sais rien, mais on avait l'impression. C'est plutôt jardin, c'est pénible là. Au niveau du... Ça bouffe les plants et trucs, quoi. C'est... Mais ça attaque pas la vigne, ça, par contre, petits. Et donc, toutes les personnes qui sont ici, au domaine de la Cabrie, vous les 10, là, vous travaillez tous les vendanges, ou il y en a qui sont plus concentrés sur d'autres activités, qui, du coup, participent pas aux vendanges. À peu près tout le monde est aux vendanges. Ouais. Après, il y a des gamins, donc il y a l'école, donc... Il y a l'école, mais pas ici dans le domaine. Mais bon, les gamins vont à l'école. Ah ouais, c'est ça. Là, tu vois, il est quand même 6 heures. Ils sont là, les gars. C'est ça, j'ai vu qu'il y avait des petits... On ne fait pas encore les enfants. Non, c'est ça. Mais vous n'avez pas encore les moyens de faire l'école ici, sur le domaine. Enfin, c'est peut-être non, pas du tout un projet. Mais ici, on a que 3 gamins. Donc, déjà, pour l'école, c'est ça. Un peu court. Non, il y aurait pu avoir quelqu'un qui décidait de se mettre à faire l'école à la maison comme C'est arrivé à Longo, mais là voilà, ça c'est au choix. Il y a pas assez de vont à l'école, tu sais, c'est une quand t'as 80 personnes en plus, c'est vrai que ça vaut plus le coup d'investir. Non, puis là c'est une petite école du village, donc ça va, c'est pas encore c'est comme en famille, c'est gérable. Enfin, en famille pas vraiment, mais c'est gérable, ça va, quoi. Parce que là vous êtes combien de... vous êtes quand même isolé, vous, c'est quoi votre village là, vous êtes rattaché à quel village? Alors on est rattaché à Vitron-Luberon, qui est le village qui est en hauteur là, mais l'école c'est à Grandbois, donc c'est à 5 km d'ici, c'est pas très loin. Là. Il y a une super belle vue en tous les cas. Ah bah oui, c'est pas pour rien que c'est plein de milliardaires ici. Hein. Attention, on n'est pas n'importe où, madame. On n'a pas la piste hélicoptère là, mais quand même. Il y a le lac, il n'y a pas besoin de piscine, vous avez le lac. On a un lac, c'est un étang, puisqu'un lac. Oui, c'est vrai que là-dessus, on n'a pas à se perdre. 106.3, fréquence Paris pluriel, la jungle des luttes, c'est le comité de solidarité du peuple, des peuples en Tchap. Le comité de solidarité des peuples en Tchap. Stop, c'est SPCL. On est en direct, tant pis, je passe. On va continuer, on va aller dans les cuves, là, puisqu'on en parlait, là, ça y est, ça. On va aller dans les cuves, mais on fait une petite pause musicale avant de retourner au domaine de la Cabrerie. Il a bataillé toute sa vie, noyé par les taxes et les soucis. Il n'a pas vu ses enfants grandir, sa femme a fini par partir. Non, non, non, non, non, pas question de mener une vie à la con. Allons danser autour d'un feu de camp avec du vin et du boucan. Lui, il faisait les fruits dans l'accro, cerise, pêche, poire, abricot. Un beau matin, il a tout jeté à l'entrée d'un supermarché. Non, non, non, non, non, pas question de mener une vie à la con. Allons danser autour d'un feu de camp avec du vin et du boucan. Oh les gars, je vous rappelle que vous dormiez, c'est pas l'heure. Nous ne nous laissons plus emmerder. Les tricus sont dans nos portes. Laissons-les dehors. Prenons le temps de lire. Soyons pour les gars et fermes. Parlons, chantons, dansons, mixons-nous. N'ayons pas peur de l'avenir et de la différence. Si tous ensemble on fait bloc, ça promet de méchantes joutes. Et si t'es pas d'accord, va à Lourdes. 20 ans qu'il travaillait au quartier, à la chaîne au chocolat au lait. Un beau jour le patron s'envola, un liquidateur arriva. Non, non, non, non, non, pas question de mener une vie à la con. Allons danser autour d'un feu de camp avec du vin et du boucan. Non, non, non, non, non, pas question de mener une vie à la con. Allons danser autour d'un feu de camp avec du vin et du boucan. Allez, sera plein tout de sera plein. Plein de raisins. Donc là, c'est ici. Ce truc là, c'est le pressoir. Donc ça, c'est un pressoir horizontal. Donc faut savoir que, en fait, quand on fait du vin blanc, tu vois, le raisin qu'on a ramassé, par exemple, si on le vinifiait, tu ramasses le raisin et tu le presses tout de suite. Tu presses le raisin, ça fait du jus de raisin. D'accord ? Et c'est ce jus qui va se mettre à fermenter. Sachant que moi, donc moi je fais le vin, hein, je m'occupe de la vigne et du vin ici. Je ne mets pas de levure et je ne mets rien d'autre. Donc c'est ce qu'on appelle, ça fermente tout seul, avec les levures indigènes, c'est-à-dire les levures qui sont naturellement dans la cave, sur le raisin, enfin qui vont se mettre en activité, qui vont démarrer une auto-fermentation. Voilà, moi je ne levure pas les vins, quoi. Il y a beaucoup de gens qui font ça, qui mettent des levures pour activer. Et puis qu'après, mettre plein de soufre pour arrêter. Parce que, pour stopper. Justement, ouais. Donc moi, je mets rien. Donc là, si tu veux, quand on va aller voir le vin, là, quand on a, là c'est un Sauvignon là, qu'on a fait, qu'on a ramassé mercredi dernier. Donc on, là, il y en a 1600 litres, là. C'est une petite cuve, là. Donc on l'a mis dans cette machine, voilà. Et ensuite, il passe dans le pressoir. On le presse, ça fait un jus. Ce jus, pendant 24 heures, on va le laisser décanter, tout doucement. Donc là c'est pareil, il y a des gens qui mettent des enzymes, qui mettent plein de trucs pour que ça décante bien. Nous on met rien, donc les boues, les impuretés, si tu veux, vont se déposer au fond. Ouais. Et donc au bout de 24 heures, on va pomper le jus de raisin par le haut pour et le mettre dans une fond, autre cuve. Ouais. Et dans le fond, il n'y aura plus que la boue qui va partir. Et ensuite on le met dans une cuve et là, on est là et on se dit, il faut qu'il fermente. Alors pendant deux jours, il ne fermente pas, c'est un peu flippant. Donc moi, cette année, j'ai fait ce qu'on appelle un levain, comme pour le pain, pareil. Donc j'avais pris des grappes de raisin, je ne sais pas, 5-6 sauts de grappes de raisin de ce cépage, 3-4 jours avant la vendange. Donc j'ai fait du jus, on a écrasé avec les pieds et tout, à l'ancienne. Voilà, on a fait du jus. Et donc ce jus, je l'ai mis dans la maison, dans une pièce un peu chaude. Et donc, pour que ça fermente, en fait. Il a commencé à fermenter, donc il a commencé à bouger, quoi, à s'activer. Et ensuite, quand on a vendangé, j'ai mélangé une partie du jus de raisin qu'on venait de faire avec ce jus en fermentation. Pour que ça l'accélère. Voilà, je l'ai encore laissé reposer 12 heures, donc ça l'a activé. Et ensuite, je l'ai jeté, c'était 10 litres, hein, je l'ai balancé dans la cuve. Dans la cuve de jus de raisin, et donc ça l'a activé. Ça l'a un peu boosté, du coup. Ça l'a un peu boosté. C'est un mais levain, naturel, ouais, voilà. De toute façon. Pas de levure chimique. Et là, tu vas sentir déjà le. Dans cette cave, tu vois, on sent bien le. On sent, ouais. Tu vois, ce que tu sens, c'est le CO2. Donc, tu vois, on aère un peu là. C'est un truc que tu respires trop, tu tombes dans les pommes. Et puis là, on n'entend pas trop, mais ce que je vais faire, je vais lever le chapeau de la cuve. Et puis, tu vas monter l'échelle là, avec ton petit. Et micro, on va voir. Et tu vas voir ce truc en train de bouillonner. André, c'est ça, c'est les gaz qui sont en travail, qui font là, on est sur du jus qui est en pleine fermentation, quoi, tu vois, qui fermente. Non, laisse-le comme ça. Juste, tu tires. Ok. Doucement. Ok, stop. Vas-y, voilà, doucement. Ça, c'est des cuves en inox, tu vois. C'est des cuves très basiques, très classiques, ce qu'on appelle des cuves à chapeau flottant. Donc, tu vois, il y a un chapeau qui se met sur le vin avec une chambre à air qu'on gonfle et qui empêche l'oxygène de rentrer. Et là, tu vas voir, je sais pas si tu mets trop. Ah oui! Ça ferme, c'est vrai que ça fait une grosse mousse là. Voilà, ça mousse, ça ferme. Je sais pas si tu en vois. Si on entend des. Comme la mousse du bain, tu vois, on y croirait. Ouais, ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas pris bien. Ben, ça sent pas encore trop fort, pas trop acide, pas trop. Là, il fermente depuis. Il a démarré il y a 3 jours, donc doucement, là, il va. Ça sent le fruit encore, en fait. J'espère, ouais, c'est un peu. Non, mais je veux dire, ça sent pas. Tu vois, les choses fermentées, souvent, il y a une petite acidité. Là, ça sent presque la pomme, non? Ça sent presque la pomme, tout à fait. Là. Hein? Je délire pas non, quand je dis ça? Tu délires pas, non? Tu as un vrai nez de vigneron. Ah, t'as vu? C'est que, à force d'en consommer, on finit. Alors là, pas. Je vais prendre avec un tube à essai, une éprouvette, un échantillon et on va mesurer sa densité. Donc ça va nous donner le taux de sucre Donc tous les jours, on prend des mesures. Tu notes sur un cahier. Et on note sur un cahier. Et tous les jours, sur un graphique. Et tous les jours, on voit la transformation du sucre en alcool. D'accord. Donc on connaît son début. Hein, donc c'est que du sucre. Et puis là, c'est en train de travailler. Donc c'est la première fermentation, ce qu'on appelle la fermentation alcoolique. Et donc c'est le sucre se transforme tous les jours. Donc c'est ça qui bouge. Donc là, on va prendre un tube à essai. On va regarder. On va comparer par rapport au jour précédent. Et du coup, il y a un moment où il a atteint un niveau et là, tu te dis, c'est bon. Il y a un moment où cette première fermentation est terminée et donc il est arrivé au stade 20. Et ensuite, il y a d'autres fermentations qui vont se mettre en place et ça sera déjà du vin. Enfin, pas du vin, mais un premier vin. Quoi. Que certains vendraient, par exemple, non, tu veux dire ? Non, toujours pas. Toujours pas propre à la consommation. Mais c'est-à-dire que les sucres se sont transformés en alcool. Quoi. C'est plus sucre. D'accord. Parce que là, et ça, c'est plus du jus de raisin, là, c'est clair, c'est devenu du vin, quoi. Même là, c'est plus du raisin, là, c'est en train après trois jours, C'est pour ça que le jus de raisin, nous, on en fait ici, quand tu le fais, c'est le même processus, sauf qu'on le pasteurise après décantation, donc dans les 24 heures, il est pasteurisé, donc il est chauffé à 70 degrés, et donc ça l'empêche de partir en fermentation, quoi. Donc il reste en jus. Et vous le vendez aussi, votre... Et on le vend aussi, là, Et donc de jus de raisin rouge, enfin blanc. Blanc. Là je prends. Donc, tu vois cette belle mousse là, on va le faire déborder un peu, il faut évacuer la mousse là. Ça, ça mousse, quoi, ça bouillonne. Quoi. Ouais. C'est vraiment un truc. Voilà. Là, je vais prendre Tu peux prendre le mustimètre, toi, il est. Un mustimètre, donc c'est un. Comme un thermomètre, mais un peu particulier, qui va me donner sa température et sa densité, ça veut dire son niveau de sucre. Actuel, d'accord. Mais là, c'est pas du blanc. C'est du blanc, oui. C'est ça. C'est du blanc, mais là, il est encore opaque, si tu veux. Il est, d'accord. Il est pas encore, il est en transformation, donc il fait. Tu vois, il a pas eu toute sa couleur. Mais j'avais compris que tu vinifiais pas le blanc. Moi. Si, on vinifie pas le blanc qu'on a ramassé cet après-midi. D'accord. On vinifie d'autres. Il n'y a que celui d'aujourd'hui qui est d'accord que tu vas filer à la coopérative. Ah, c'est marrant, ça flotte, c'est comme un flotteur, du coup. Et il flotte selon... Ouais. Ah, c'est d'accord, il va flotter par rapport au niveau... Voilà. C'est le D'accord, donc la ligne sur laquelle il s'arrête. Voilà, la ligne, il me donne sa densité, donc là, il est à... 1050, 1040, quoi. Non, il est à... 1078, non, c'est dans l'autre sens. 1068, voilà. Bon. Et quand il sera à 1000, il sera... Il a démarré à 1090, quand il sera à 1000, on dira que la première fermentation est terminée, le sucre sera entièrement transformé en alcool, d'accord. Il a commencé 1092. Donc là, il est à 21, tu vois, de température. Alors ça, c'est un peu trop. La température, tu veux dire ? C'est un peu limite. Peut-être on le refroidira demain matin. Alors moi, ici, j'ai un problème technique. C'est que normalement, sur ce vin-là, donc comme il y a un gros volume de vin, il y a 1600 litres là, dans la cuve, comme ça fermente, ça chauffe. D'accord ? Ça monte en température. Ah, ouais. Or, les vins blancs, il ne faut pas trop que ça monte en température, parce que si ça chauffe trop, ça va brûler les levures. Et donc, ça va casser la fermentation. Et donc là, il est un peu chaud. Il est à 21, il ne devrait pas monter au-dessus de 20. Donc moi, je fais un truc qui n'est pas génial encore, parce que je suis mal équipé. C'est un peu barbare, mais bon. En fait, je le refroidis. Toi, ce truc-là, c'est un tank à lait qu'on a récupéré dans une laiterie. Enfin, chez un copain, un paysan. Et donc, je le remplis, ce machin. Donc, je mets 900 litres et je le refroidis, en fait. Donc tu vas faire passer 900 litres là, dans cette le refroidir, faire baisser et le remélanger pour baisser la température. Parce que là, il devrait être à combien global. Plutôt. Il ne devrait pas dépasser 20 degrés, quoi. Ce serait l'idéal, si tu veux, entre 15 et 20. Parce qu'un degré, ça ne fait pas beaucoup, mais c'est déjà trop. Ben, c'est-à-dire que là, tu vois, le problème, c'est qu'il est 19h15 et que bon là... La journée était plutôt chaude. Là, je préférais pas le faire, donc peut-être on va le laisser un peu et voir demain matin est-ce qu'il va monter ou pas. Parce que là, si tu ouvres par exemple tes portes pour la nuit... Voilà. Tu vois, il est très clair. Il est à 21, À 21, tassé. C'est pas limite 22, hein, quand on regarde bien de profil. Non. 21 nuit, je te jure. Il est bien tassé, le Redmi. Ouais, mais ça monte, dès que tu sors, ça monte, tu vois, forcément. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je te mets un peu de pression, là. Et en même temps, j'aime pas faire ces trucs de... Des manipulations. Des manipulations, ouais. Parce que un vin, ça moins ouais. tu le passes dans une... Même si dans des petites pompes assez légères, quoi. Mais moins tu le brutalises, mieux il se portera, quoi. Donc là, tu vois, là, je te parle, je suis en train de réfléchir. Est-ce que ah, qu'est-ce que tu vas prendre pas, comme méthode risque. Là, alors, par contre, ça vient pas du fait que tu n'as pas des portes assez étanches. Non, non, par ça vient du volume. Il y a un gros volume, ouais. Donc ça fermente, donc ça chauffe. La fermentation, ça fait chauffer. Quoi. Par exemple, sur les raisins rouges, on cherche la chaleur. C'est l'inverse. Quoi. On cherche une chaleur qui est au-dessus de 25 degrés de température. Tu vois, entre 25 et 30, pour que les fermentations se passent correctement. Donc c'est très différent des vins rouges et des vins blancs. Parce que le vin rouge, si tu veux, on fermente du. Bon, tu ne seras pas forcément là demain, mais demain on va ramasser des grappes de raisin. Bah pourquoi pas, justement. On met le raisin entier dans les cuves qui sont là, toi, c'est deux grosses cuves de vinification. C'est-à-dire entier, tu veux dire sans être pressé. Voilà, voilà, on met le raisin, si tu veux, et c'est les fermentations se font, c'est des grappes de raisin qui fermentent. C'est pas du jus. Avec les branches, avec tout ce voilà, qu'il y a dedans. Bah, alors enfin... moi, demain, c'est un raisin qu'on va égrapper. Il n'y aura que les grains. Ah d'accord, ouais, c'est ça. Il n'y aura que les grains. Mais c'est donc pas ça pressé. Va être un autre travail du coup c'est quand que... même au niveau de la vendange après, non? Voilà. Non, nous, c'est tu pareil. Vends dans, c'est... Tu coupes, mais après tu vas faire grain par grain. Tu voilà. Ouais, d'après avec cette machine là. Ah c'est ça. T'as une machine quand même qui t'aide à. Ça s'appelle un égrappoir, ouais. Ouais, c'est ça. Parce que demain on va ramasser, si tu veux, on va faire, on va vinifier 5 tonnes de raisin, quoi. On va essayer de ramasser 5 tonnes. Et vinifier 5 tonnes, donc c'est quand même beaucoup de raisins. Et donc on va mettre 5 tonnes de grains dans des grosses cuves et qu'on va laisser, qui vont donc fermenter elles-mêmes. Donc là ça prend. Puis tous les jours on fait des manipulations. Donc demain tu vas faire et la vendange de. Et ensuite égrapper. Et ensuite passer à la cuve. Passer donc à la... grosse journée du voilà, coup. Voilà. Demain sur un cépage et après-demain sur un autre cépage. Parce que là en fait il se fait que. Normalement, ça s'étale un peu, puis là, ça a traîné vachement, et cette année, du coup, maintenant, il y a tout qui arrive en même temps, quoi. On a du degré, on a tout, même un peu trop de degrés, là, on s'est fait un peu... En quelques jours, c'est remonté, ça a explosé, donc là, il faut qu'on... faut y aller. On va vinifier les rouges, là, cette semaine, c'est la grosse semaine, quoi. Voilà. Oui, oui. L'état à l'hôpital a gré. Non, attendez voir. Autrement, j'étais au banquet des chasseurs. J'ai tombé assis sur la table, assis couché. J'ai eu un malaise. Je suis parti à l'hôpital à Gré. Voilà, c'est ça. Après, c'est fini. Sniff, farine, animal. La bonne défense rurale, c'est du rousse, yes, de l'authentique, du typique. Je vois mon clone dans l'arrière-boutique. English beef, légalise. Poulet belge, légalise. Salmonelle, Sniff. Sniff. fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Vous êtes dans le programme du CSPCL, Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Programme donc La Jungle des luttes, tous les troisièmes lundis du mois. On continue avec le domaine de la cabrerie, collectif Longomaille. Donc un réseau qui travaille de façon collective, autogérée, des terres notamment. Donc là, on a suivi les vendanges. Là, on va peut-être parler un peu plus de ce que c'est l'organisation, de ce que ça veut dire, de ce que c'est cette histoire aussi, ce réseau qui se monte depuis 40 ans. Donc on continue, ce sera un petit la dernière partie en deux phases en fait. Et on continuera ensuite avec Valérie normalement si elle réussit à nous joindre. On continue à tous. Au domaine de la cabrerie, vous êtes donc 10 en permanent. Alors ça s'organise comment cette vie en collective, en communauté? Comment vous appelez ça? Comment vous vous définissez? Comment vous le vivez? Ouais, comment on définit? C'est dur. On se définit comme un collectif. Après, on est sur un mode de fonctionnement qui est similaire dans tous les lieux de Longomaille, parce qu'il y a un truc qui est important, une des bases à Longo, c'est que nous on n'est pas salarié, donc parce qu'on n'est pas très porté sur le salariat. Et donc toutes nos rentrées, qui sont en fait on est une caisse commune quoi, on met tout en commun. Et puis on discute entre nous de ce que vous allez faire. D'abord des besoins, parce qu'on a des. Tu vois, comme tout le monde quoi, hein, des besoins. Pas faut payer téléphone, électricité, l'essence des bagnoles, voilà. Et puis les besoins de chacun qui sont aussi différents, donc on essaie de parler et que chacun s'y retrouve. Bon, sachant qu'on n'est pas non plus, on roule pas sur l'or, donc on essaie de faire un peu attention à tout, mais bon, voilà, c'est que chacun soit rééquilibré, puisque bon, ici il n'y a pas encore des gens trop âgés, mais à Longo, tu as des gens très jeunes, des gens. En 40 ans d'existence, qui sont plus âgés, donc tes besoins, t'as pas les mêmes besoins à 25 ans qu'à 65 ans, hein, c'est logique. Donc, caisse commune, donc à tous les niveaux. Donc, on discute aussi bien des investissements qu'on veut faire, des choix économiques, que notre quotidien, voilà. Et donc, vous avez par exemple une assemblée chaque semaine ou Alors, nous, comme on n'est pas très nombreux, c'est pas très formel, quoi. Mais en gros, on essaie de, au moins une fois par semaine de faire un point entre nous sur. D'abord ce qu'il y a à faire, quoi, s'organiser, et puis où on en est au niveau budget, etc. Et puis aussi discuter de plein d'autres choses, quoi. On n'est pas que des machines économiques, voilà. J'espère. Et puis après, il y a un autre truc super important, typiquement Longo, c'est que nous, on ne vote pas. Parce qu'on ne fonctionne pas en élection, on ne vote pas, ni les choix. Donc tout se fait... Toutes les décisions se prennent, ou ne se prennent pas d'ailleurs, à la discussion, quoi, à la palabre, au consensus. On n'a jamais fonctionné en termes de vote, de voix, de majorité, choses comme ça. Quoi. On n'a jamais fait ça. Et ça fait 40 ans que ça marche comme ça. Donc, après, c'est loin d'être parfait, mais c'est une tentative d'essayer de faire des choix de cette façon-là. Quoi, de ne pas faire comme dans les assos classiques. On vote, Assemblée Générale, machin, nous. Et puis, on n'a pas de règlement, on n'a rien d'écrit. Il n'y a pas de règlement interne. Pas de règlement interne, pas de charte, il n'y a rien de. Donc, ça se discute en fonction des gens qui sont là sur le moment, en fait, puisqu'il y a peut-être des codes qui peuvent changer selon les gens. Voilà, selon les époques, selon les gens. Donc, il n'y a rien qui est inscrit dans le marbre une fois pour toutes. Quoi. Après, il y a forcément des habitudes qui se prennent, des routines, des choses qui se mettent en place, mais il n'y a rien qui est... sur le principe, il n'y a rien qui est figé, quoi. Tout est... peut être discuté dans la mesure où c'est dans l'intérêt commun, parce qu'on vit ensemble. C'est quand même des gens qui habitent à... J'avance un peu, hein, bien sûr, je fais que de te parler. On va me faire distancer par mes camarades. Tu n'as pas fait ta part du boulot, et ça va être discuté à l'assemblée de la semaine. Et donc... ce qui est important, c'est que les gens qui sont... il y a des gens de passage, comme tu vois, pour les vendanges, les copains, etc. Mais globalement, dans les lieux de Longo, les gens qui y sont, ils ont fait le choix d'y vivre, quoi. pas forcément toute leur vie, mais en tout cas pendant un temps. Ils sont installés là. Un temps indéterminé, quoi. Voilà, on n'est pas. Bon, il y a des gens qui disent on vient pour 3 mois, etc., donc c'est particulier, mais en général, les gens qui font un choix de vie, ils y sont et ils font leur vie, quoi. Après, ils peuvent pas. Il y en a qui partent, etc., forcément, parce que la vie. Et du coup, les personnes qui sont là 3 mois, elles vont être intégrées aux discussions du moment. On n'est pas très formaliste. Des fois, on se dit qu'on devrait être un peu plus, mais non, on n'est pas très formaliste. Tu veux dire ici ou à Langomaille, de manière générale, quoi, ouais. Ici, encore moins qu'à Yorche. Toi, tu as donc vécu dans d'autres lieux. Dans d'autres lieux, ouais, bien sûr. Non, mais par rapport à. Parce que nous, on n'est pas en contact avec d'autres collectifs partout en Europe, en Espagne, ailleurs, etc. Puis c'est vrai qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus formatés sur. Alors c'est ça que je voulais dire. Les gens qui arrivent pendant un an, ils n'ont pas le droit de participer aux discussions, alors que nous. Voilà, les gens qui sont là depuis. Parce que ça, c'est un réseau Langomaille, c'est pas seulement au niveau. Alors il y a. Il y a des collectifs Langomaille, en Autriche, en Suisse, en Allemagne et en Ukraine. Voilà. D'accord. Il y a un petit lieu en Ukraine aussi. Ouais. Donc quand tu parlais des collectifs en Espagne, ouais. C'était pas forcément non, les non, collectifs non, non, Langomaille, non, non, d'accord. Ouais. Mais avec qui on est, tous nous, on est forcément liés. En lien, bah oui, avec les gens. Bah, surtout qu'en plus, t'es dans le sud, donc t'es. Ouais. Peut-être plus loin de l'Ukraine, de l'Allemagne, la Suisse. Tu vois, en parlant pas, du coup, ils ont fini à ranger, toi. T'as vu, j'ai l'impression que j'ai rien, là, tu vois. Bah, ce qu'il y a, c'est que t'as quand même géré la manœuvre du tracteur qui a été laborieuse. Le copain palestinien, il a oublié une grappe, tu vois. Ah ouais, il y a le copain, c'est vrai, j'ai vu ton t-shirt, le copain palestinien qui est là de passage. Voilà, ouais. Enchanté. Donc c'est donc, ça, il y a du coup vous avez un réseau où il y a des. Donc au moins vous êtes organisé avec un réseau qui permet de proposer à des gens des lieux où ils sont susceptibles d'être accueillis. Oui, c'est-à-dire en fait forcément en 40 ans d'existence, il y a eu du passage, t'imagines quoi, assez énorme quoi, tout le temps. Donc les copains, les réseaux, ça s'est fait tout seul, quoi. Les gens qui font d'autres trucs, donc il y a. Avec des intensités plus ou moins différentes, d'amitié ou pas, mais il peut y avoir des entraides, des échanges, c'est indéfini, quoi, avec plein de. Il y a quand même pas mal de collectifs en Europe, quoi, mine de rien. Donc, certains se font connaître et d'autres pas, et ça, c'est après, c'est chacun vit ou décide de rendre son truc plus ou moins public ou pas public, ou plus ou moins poétique, ou plus ou moins, ou à des visions de la poétique différentes, quoi. Donc. Mais c'est vrai qu'on a côtoyé pas mal de monde, quoi, forcément. Puis forcément, parce que 40 ans d'existence, ça fait un peu sérieux, quoi. Du coup, genre, c'est les brontosaures du collectif, c'est long, ouais. Alors que bon. Ouais. Si, quand même, ça veut dire qu'il y avait. Disons que ça existe aussi parce que ça a été la capacité à pouvoir acheter des terres, surtout, en fait. C'est-à-dire que souvent, ouais. Après, ça permet quand même de pouvoir inscrire des activités. C'est un choix qui a été fait, ça, à Longo aussi, c'est des. Bon, c'est un mot qu'on n'aime pas, et moi j'aime pas, mais on est propriétaire, quoi, des lieux. Ce qui permet une liberté, en fait. Voilà, le choix de la propriété, c'était pas qu'on y croit plus que ça, mais ça permettait une garantie d'être sur les endroits où on est un peu peinard, quoi. Bon, après, non, parce que en cas de. Oui, bah, si les contraintes, quand même. Si les situations se durcissent, ça veut rien dire être propriétaire, mais enfin, en gros, on est quand même pas. On est quand même chez nous, quoi. Donc on est à peu près plus ou moins, parce que je sais pas si on est libre quelque part, mais plus ou moins libre de faire ce qu'on veut. A priori, quoi, un peu plus que si on n'était pas. Mais ceci dit, les propriétés de Langomaille, elles sont dans une fondation. Donc ça, c'est un truc qu'on a mis en place aussi il y a longtemps. Tout le foncier bâti, non bâti, dans une grande, grande fondation. Et ce qui permet que personne ne peut en revendiquer un morceau, ça ne peut pas être morcelé, ça ne peut pas être. Personne ne peut rien revendiquer. Personne ne peut rien revendiquer à titre individuel, quoi. C'est-à-dire qu'on est individuellement. On est propriétaire de rien du tout, quoi. On a rien. Moi, j'ai rien, par exemple. C'est un choix que j'ai fait, mais j'ai rien. Voilà. Moi, directement, j'ai. justement, Longomaille a donc fait pris la décision d'être propriétaire de ces terres pour pouvoir justement développer des projets. Mmh. Donc il y a des projets, c'est des projets agricoles essentiellement. Alors c'est des projets, si tu veux, historiquement, c'est pas du tout des gens de milieu rural, hein, c'est plutôt des gens qui viennent de la ville, les urbains. Et donc le côté agricole, il s'est développé plus en disant il faut qu'on crée des bases, ça c'est un mot un peu militaire, mais des zones de survie minimum, quoi. Donc forcément on est amené à faire de la bouffe, élever des bêtes, ouais. À produire, etc. Et puis aussi, donc comme on est là avec ces productions qui se font, il y a aussi une partie économique, qui ne suffit pas parce que... ça ne marchera pas plus à Longo qu'ailleurs, mais en termes économiques, mais enfin ça crée quand même des bases minimales, quoi, de fait. Et puis respect des lieux où on est, les entretenir, soit aussi agréable à vivre, etc. Quoi. Et tu voulais savoir... Je me disais, du coup, il y a eu plusieurs lieux. Il y a eu un premier lieu Le début, c'est... Puis après, du coup, vous avez des contacts avec les autres lieux. Vous êtes en contact, vous discutez des projets ensemble. Ouais. C'est chaque lieu qui développe ses projets forcément essayer de voir si ça peut... Ouais. C'est les deux, en fait. C'est-à-dire que chaque lieu de Longo a sa propre... culture, quoi, originalité, donc celui-ci sera pas pareil que, d'abord par le nombre, que la ferme aliment, que la filature, c'est pas les mêmes gens, donc ça, chaque endroit est un peu différent, fonctionne sur des bases quand même relativement communes, et puis on a des moments de rencontre, quoi. Par exemple, tous les deux fois par an, on a une grosse rencontre de tous les gens de Longo, quoi, toutes les coopératives. On fait le point sur les différents projets, sur les choix qu'on a. Donc là, les 10 personnes qui vivent ici, par exemple, sont invitées. Voilà, sont invitées. Alors, tout le monde ne peut pas forcément y aller parce que, il faut faire des fois du boulot à faire encore sur place. Et c'est chaque fois, on peut pas quitter. C'est chaque fois dans un lieu différent, quoi. Donc la prochaine fois, par exemple, c'est ici. Donc vous invitez, ok. Voilà, donc, gérer l'accueil. Et c'est quoi? C'est 2 jours, 3 jours? C'est 4 jours, Donc ça laisse le temps. 4 jours de discussion. Donc après, il y a. Donc ça se prépare, quoi. Il y a tout un programme de discussion qui est préparé, parce qu'il y a des choses très techniques, très basiques à discuter, à se coordonner, et puis il y a toujours une partie aussi plus choix politique, philosophique, qu'on essaie de discuter ensemble, quoi, des orientations, des choses comme ça, quoi. Donc ça, c'est le côté tout Longo, et puis nous on essaye, on est quand même pas loin de... des autres lieux là, tu vois, comme je parlais, l'accro, ça. Ouais, donc nous, là, on se voit de façon plus informelle assez régulièrement pour, s'il y a des urgences, comme ça, on a des possibilités de se rencontrer, de discuter, quoi. Parce qu'il y a pas mal de gens qui vont d'un lieu à l'autre, soit par activité, tu vois, les vendanges, par exemple, c'est l'occasion de se revoir avec, demain, il y a 10 personnes qui vont venir de Fort-Calquier, on va passer 2-3 jours, c'est l'occasion de discuter, de faire le point, tiens, vous en êtes où, vous avez parlé de quoi, ou nous on a tel problème, trouver les solutions, c'est aussi, ça se pose comme ça aussi, quoi. Et puis nous ici, on essaie, 10 personnes c'est plus facile parce que on se voit tout le temps, après c'est vrai qu'à un endroit comme Liman, où ils sont 80, ils doivent beaucoup plus formaliser les réunions, prendre des rendez-vous. Pour être sûr que tout le monde prendre des rendez-vous, etc. Pour que tout le monde, au maximum de gens soient là. Donc c'est plus compliqué à organiser, quoi. C'est plus formel, quoi. Ici. Et il y a des rencontres, ça c'est plutôt national quand tu parles des rencontres 2 fois par an. C'est international. C'est international. C'est tout le monde. Donc là, il y a combien de personnes plus ou moins qui vont être accueillies ici? Je sais pas, on verra. Mais après. Du coup, c'est forcément une centaine, par exemple. Ouais, c'est beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Ouais. Peut-être pas une centaine, parce que tout le monde peut venir, les gens peuvent pas se vider complètement, mais ça fera pas mal de monde. Ouais. Et du coup, vous... Donc nous, en plus, comme les vendanges sont en retard, on va se farcir juste après les vendanges. ça va enchaîner direct, l'activité. Donc c'est en mois de décembre, c'est ça, votre rencontre? En novembre. Donc ça arrive très vite, ouais. Parce que là, les vendanges, vous avez encore pour 2 semaines, au moins. Ouais, non, mais on a voulu faire les malins, et puis c'est pas du tout... Vous avez voulu attendre le meilleur moment. Que nos vendanges soient si tardives, du coup, on est un peu pris de court. Mais c'est pas grave. On va faire avec. Et alors, comment ça se fait justement, c'est qu'il n'y a pas eu d'autres collectifs Longomaille sur d'autres lieux? C'est par rapport aux opportunités qui se sont faites au fur et à mesure des rencontres, des possibilités d'acheter des terres, des choses comme ça, ou... Ouais, et puis des groupes qui se constituent, si tu veux, il faut qu'il y ait des gens. Des gens. Faire, c'est pas... Parce que, par exemple, à Longo, il n'y a pas de hiérarchie, donc il n'y a pas une instance qui décide... De qui tient tel lieu et va tel... C'est pas du tout hiérarchique, donc voilà, c'est... Maintenant, si un groupe de gens se constitue, disons avec sérieux, quoi, et puis qu'ils montent un projet, qu'ils le préparent, je pense que l'ensemble du... Et que l'ensemble du mouvement trouve ça bien, l'ensemble va suivre pour essayer que ça puisse se faire, quoi. Donc après... Alors que ça puisse se faire, ça veut dire quoi? Essayer de trouver s'il n'y a pas des terres à acheter, par exemple. Ouais, après, ça dépend du projet, mais ouais, donc trouver des fonds, trouver des soutiens, il y a tout le monde qui s'y met, quoi, puisque nous, tu vois, on n'est pas des rentiers, donc on n'a pas d'argent dans les banques. Pas rien de côté, quoi. On n'a pas de fonds secrets, on n'a pas d'actions en bourse, tout ça. Et donc, quand on a besoin de fonds, ben, il faut qu'on aille les trouver, quoi. Donc, on a. Après, nous, on fait état de. Bon, ça se passe beaucoup en Suisse, un peu en Hollande. Et donc, on fait ce qu'on nous on appelle des campagnes, c'est-à-dire des campagnes d'information auprès de réseaux de gens pour demander des soutiens financiers, quoi. On y va franco, on demande du fric, quoi, pour que des gens soutiennent des projets. Donc, quand tu rencontres, tu touches des milliers de gens, ben. Chacun donne un peu, à la fin, si tu veux, ça fait, ben, voilà, ça remplit les caisses, c'est une façon de faire, quoi. En tout cas, c'est une de nos façons de faire pour pallier aux questions fric, etc., puisqu'on n'a pas envie d'aller emprunter dans les banques ou de dépendre de quoi que ce soit, comme dépendre, prendre des crédits, ou d'aller... Alors du coup, c'est vrai que ça nous demande, on est un flux tendu, quoi, on n'a pas d'avance, on est... On ne thésaurise pas. Juste une trésorerie au jour le jour. Après, du coup, ça fait. C'est qu'il y a plein de gens qui fantasment un peu sur nous parce que, voilà, à Longomaille, du coup, je sais pas combien de propriétés, je sais pas combien de gens, c'est une grosse. C'est une grosse machine, quoi, tu vois, ça fait gros truc, mais bon, en fait, on n'est pas. On n'est pas des manias. Et c'est quoi vos rapports, par exemple, avec la Confédération paysanne? Par exemple, je dis ça parce que parfois il y a peut-être des luttes qui doivent se livrer sur certains. Mais il n'y a regard. Tu touches un point. C'est ça, mais c'est pour ça que je me suis dit, je vais peut-être d'abord couper pour le prévenir que j'allais poser cette question. Non, mais tu me la poses à moi. Hein, non, mais je sais bien. Donc moi, tu auras ma réponse. Si tu veux, nous, on n'est pas. Il y a des gens à Longo, pas beaucoup, qui se sentent proches de la Confédération paysanne. Voilà, c'est pas mon cas. Voilà, c'est pas mon cas, puisque d'abord, je suis pas très porté sur le syndicalisme en général. En tout cas, sur ce type de syndicalisme-là, qui pour moi est une espèce de co-gestion participative et qui remet pas grand-chose en cause et en question, quoi. Voilà, donc voilà, moi je suis pas. Enfin, moi j'ai mené pas mal de bagarres. J'ai participé à pas mal de bagarres dans des milieux à l'école. Que ce soit sur l'histoire de. À une époque des OGM, ou là, je sais pas, des vaccinations, ou du puçage des animaux, mais on a plus nous fonctionné avec des groupes autonomes, indépendants. Qui sont pas affiliés à quelque chose, ni à la conf, ni à rien d'autre, quoi. Parce que la conf, c'est un syndicat qui a besoin de fonctionner, qui a besoin de l'argent de l'État pour fonctionner, et donc qui c'est pas tous les enfoirés, mais qui a une logique de co-gestion qui est pas. En tout cas, que moi et pas mal de gens qui sont mes amis ne partageons pas, quoi. Voilà. 106.3 Fréquence Paris Pluriel, c'est la jungle des luttes, le programme mensuel du CSPCL, Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. On était avec Longomaille, donc réseau Longomaille, donc vous l'aurez compris, des projets collectifs autogérés, surtout dans le sud de la France, en France, mais aussi en Europe,

Et donc il y a la coopérative de Liman qui regroupe, qui est la plus importante parce qu'elle regroupe à peu près 120 personnes qui vivent là sur place. Et puis donc pas loin, en fait, moi je suis un peu entre les deux, il y a la cabrerie donc où on était tout à l'heure là. Et voilà, donc c'est une expérience assez récente pour moi, ça fait à peu près 4 ans que je les fréquente. Et puis pendant 2 ans, j'ai pas mal participé donc à Radio Zinzine. Voilà, donc je peux en donner un point petit... de vue hein, de C'est ça, raconter un petit peu l'histoire, comment c'est arrivé, comment c'est né. Et puis après toi, comment finalement ça s'est ouvert pour Oui, le fait que je peux en donner un point de vue un peu extérieur aussi, ça montre un peu l'ouverture dont Denis parlait aussi un peu tout à l'heure. Alors Radio Zinzine, en fait, elle a été créée en 80, en même temps qu'il y a eu la création de beaucoup de radios libres. Mais c'est une radio autogérée qui appartient quand même bien à Longomaille, au projet de Longo. Elle est gérée complètement par des bénévoles, principalement de la coopérative. Elle a eu un rôle, d'après ce que j'en ai compris, moi, ça a été très important dans l'histoire. Donc ça s'est créé à peu près 10 ans après, puisque Longomaille a 40 ans cette année, et puis la radio, elle a eu 30 ans il y a 2 ans. Ça a été très important à un moment pour eux de à travers cette radio d'expliquer ce qu'était Longomaille, qu'est-ce qu'ils voulaient défendre, et porter, et créer, etc. Il y a eu une intense activité dans cette radio qui est toujours d'ailleurs, mais qui à l'époque tournait 24 heures sur 24, mais dans le sens où il y avait vraiment des gens présents 24 heures sur 24. C'était un lieu de vie, il y avait des gens qui en permanence, qui dormaient sur place, il y avait des débats qui se prolongeaient tard dans la nuit, beaucoup d'échanges avec des tas de gens sur la radio, sur la région, entre les gens de la radio et les gens de la région. C'était un outil auquel tout le monde participait, qui était aussi important que toutes les activités qui développaient en même temps, qui consistaient à développer les terres et les projets agricoles. Et puis la radio, c'était aussi quelque chose de très important. La question de l'information, justement, de sa propre information sur soi-même, et bien éviter que d'autres puissent parler de soi sans connaître, justement. Voilà, il y a eu beaucoup ça. Il y avait une volonté de défendre à travers la radio ce qu'il y avait à défendre, mais de le faire de façon très, très libre, quoi. Enfin, tout azimut. Et puis c'est toujours un endroit où tous les compétences aussi qu'il y a à l'intérieur de cette coopérative pouvaient s'exprimer. Et ça, ça continue toujours dans le sens où maintenant, c'est devenu un enjeu un peu moins important, dans le sens où le Longomaille s'est posé, le projet maintenant, il est connu et reconnu, et il n'y a plus autant à le défendre, parce que il y a une époque aussi, ils ont été beaucoup attaqués, tout ça s'est calmé. Il y a moins de tensions, du coup les choses se passent un peu différemment. Il continue à y avoir toujours des programmes radio. Alors il y a des programmes, ça continue à être 24 heures sur 24. Maintenant il y a quand même aussi des choses qui sont enregistrées. C'est-à-dire il y a pas autant de présence en permanence en direct, mais il y a toujours cet espace dans lequel les gens qui sont dans la coopérative viennent faire des émissions, soit des émissions thématiques, soit des émissions musicales. Les gens qui passent aussi d'autres collectifs qui viennent visiter la coopérative pour échanger, pour apprendre. Ils sont invités à avoir un petit pour eux de monter à la radio, faire une émission, parler de ce qu'ils font. Il y a des gens à Longo qui sont très spécialisés dans certains domaines qui animent régulièrement des émissions thématiques. C'est à la fois lié au monde rural, parce qu'il y a des choses beaucoup, par exemple, sur des émissions régulièrement sur la forêt, sur la biodiversité, sur différents domaines agricoles, mais aussi sur les plantes aussi, parce qu'il y a des gens qui travaillent les plantes. Mais il y a aussi des personnes comme Alex qui ont une très grande connaissance de l'Afrique, il y a des contacts avec des gens à travers le monde, qui donc des réseaux d'information qui peuvent apporter des informations qu'on n'a pas par ailleurs. Des émissions thématiques sur plein de sujets différents, voilà, en fonction des contacts des rencontres. Aussi ça fait quand même écho beaucoup de ce qui se passe sur la région, de la zone d'écoute. Et puis il y a des programmes musicaux qui sont très variés et qui sont portés par les intérêts des différentes personnes. Il y a une super émission de jazz, il y a c'est très très varié et c'est ça se fait c'est pluriel, voilà, ça reflète un peu ce que disait Denis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas c'est quelque chose de très libre, en fait il y a une grille qui est quand même assez fixe mais sur laquelle on peut beaucoup jouer suivant les rencontres, suivant ce qui se présente, suivant les envies des uns et des autres, et ça s'ouvre de plus en plus à des personnes de l'extérieur, donc qui sont pas qui vivent pas dans la coopérative. Et moi c'est comme ça que j'ai pu rentrer dedans, faire des émissions. Mais il y a aussi des gens qui font une émission par exemple sur les énergies renouvelables. Il y a une personne qui fait des émissions sur les livres pour enfants. Enfin voilà, il y a plein de choses. Ça s'ouvre de plus en plus et ça reflète un peu aussi, je pense, un état d'esprit, de fonctionnement qui s'ouvre de plus en plus sur l'extérieur. Faut dire aussi que donc Radio Zinzine, elle est peut-être qu'on peut donner une fréquence si jamais des gens voulaient éventuellement l'écouter, puisque par internet on peut l'écouter dans un premier temps depuis Paris, puis s'il y a des gens qui sont dans la région sud. Oui, on peut l'écouter sur le site et je ne sais pas sous les yeux les fréquences. Mais on peut taper Zinzine, j'imagine, Radio Zinzine. De toute façon, Radio Zinzine sur Internet. Et alors, ce que je voulais dire, c'est Z-I-N-Z-I-N, en fait. Z-I-N-Z-I-N-E. Ah oui, voilà, c'est pour ça qu'on dit Zinzine, ouais. Voilà, c'est www.zinzine.domainepublic.net. Et les fréquences, je voudrais bien les trouver, mais là, je les ai pas sous les yeux, parce que là, j'ai le site devant les yeux. Fait, tu peux cliquer, du coup, sur émission en direct, non? Quand tu es sur le site et tout ça, donc voilà. S'il y a des gens qui, depuis Paris, sont intéressés. Ouais, il y a un studio aussi à Aix, en fait, le studio principal, c'est Aliment. Il y a un studio aussi à Aix qui fait ses propres émissions, à Aix-en-Provence. Et puis, donc ça, on le trouve sur le site. Et puis, il y a eu, mais je crois qu'il y a moins maintenant, des émissions directes de la Cabrerie, là où on était tout à l'heure, où ils font le vin. Ouais, c'est un peu voilà. Selon les opportunités, peut-être, du coup. Ouais. Et voilà, non, je suis désolée, je n'ai pas... Je pense qu'on le doit... Moi, je sais que je ne suis pas experte. J'ai déjà réussi à me connecter depuis Internet, alors que je suis vraiment nulle. Donc, je pense qu'il n'y a pas de problème. Radio Zinzine, les gens vont trouver s'ils sont intéressés pour écouter cette radio qui, justement, est plurielle, comme l'est d'ailleurs Fréquence Paris Pluriel, où on peut justement peut-être avoir une pluralité peut-être plus grande. Là, il y a forcément peut-être un caractère plus concentré sur la question de l'environnement, des activités liées à la terre ou à la question... Mais pas que, c'est ce que j'allais dire, parce que apparemment il y a de plus en plus de groupes d'extérieur, donc du coup je pense que ça doit toucher des thèmes qui sont pas forcément justement liés aux activités principales. Non, ça touche énormément de thèmes. Il y a des émissions d'infos régulièrement, en fait c'est pour parler un peu de la grille. Il y a tous les soirs à 19h il y a des informations. Et donc, voilà, ça parle de ce qui se passe dans le monde. Il y a des émissions thématiques sur des sujets très variés. Et voilà, et avec des gens qui font aussi des émissions sur ce qui se passe dans le monde. Toi, justement, tu as plutôt proposé justement souvent des programmes liés aux apatistes, non, justement ? Non, alors, non. Pas moi, forcément. Je suis rentrée parce que j'ai commencé à investir dans cette radio au moment où, pour leurs 30 ans, en fait, ils se sont offerts un studio mobile. Et ça, c'était une aventure qui me plaisait beaucoup. Alors, ce studio mobile, en fait, c'est un bus dans lequel il y a un équipement pour capter la radio par satellite. Et donc, en fait, on peut poser ce bus n'importe où et faire des émissions en direct. Et donc le bus a commencé à circuler dans la région et même un peu au-delà de la zone d'écoute, à se poser à l'occasion de différents événements. Et donc les gens pouvaient venir parler à la radio sur plein de sujets. Voilà, ça pouvait être aussi bien une foire agricole que l'université, une journée sur les universités populaires à Aix. Enfin, il y a eu vraiment des choses très très variées, des festivals de musique, mais dans lesquels on pouvait faire parler les maires, comment ils gèrent leur commune, les problèmes de l'intercommunalité, la réorganisation des communes avec les nouvelles lois, et puis les gens, qu'est-ce qu'ils vivent là où ils vivent. Moi, ça m'intéressait beaucoup, donc j'ai commencé à les suivre, et puis j'ai commencé à faire des émissions à retravailler des émissions thématiques à partir de ce qui ressortait de ces débats ouverts. Et puis après, j'ai fait pendant un an, j'ai accompagné quelqu'un qui s'appelle Yule, qui fait depuis 18 ans des émissions sur l'actualité culturelle et associative de la région. Voilà, moi c'est là-dessus que je suis intervenue, parce que cette façon pour moi qui débarquait dans le territoire de pouvoir naviguer dans ce territoire à travers la radio, c'était assez génial, et j'ai trouvé un espace assez ouvert dans lequel je pouvais intervenir, et ça c'était chouette. Voilà, en fait, je pense que c'est aussi une dimension de la radio qui est en train de se développer, c'est d'être un espace de formation pour des gens. Moi, j'avais jamais fait de radio avant, j'avais même pas imaginé pouvoir en faire. Et puis, j'ai trouvé la porte ouverte pour en faire. Je sais que c'est aussi un outil que les gens qui sont dans les coopératives, ou même qui arrivent, ils peuvent découvrir l'outil radio, apprendre à s'en servir, faire passer la musique qu'ils aiment, ou faire des émissions. C'est une sorte d'outil d'auto-formation, quoi, de prendre la parole, de raconter des choses. Et puis ça, ça se développe avec le studio mobile, dans le sens où il commence à faire des projets. Là, en ce moment, il y a un projet qui démarre dans une école, dans un village pas loin de là où j'habite, où il y a tout un projet avec l'école, donc de montrer aux enfants comment... Ce que c'est cet outil... Justement, donc on va malheureusement devoir laisser la place à d'autres, puisque du coup, justement, il faut pouvoir laisser la place à tout le monde. On a eu déjà toute notre place. Désolée Valérie. En tous les cas, merci beaucoup pour cette belle aventure de Radio Zinzine, à cette possibilité justement de se mouvoir sur les terrains. Merci à toi en tous les cas de nous avoir fait partager ce moment à la cabrerie, et puis maintenant on continuera, on donnera des nouvelles régulièrement, et puis justement si tu as l'occasion de nous faire partager des petits reportages radio, documentaires radio, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup, on va se quitter, on vous donne rendez-vous du 11 au 20 janvier sur le CICP, le 20e, ou je ne sais où encore, pour fêter les 20 ans du soulèvement zapatiste. Et on laisse la place aux copains, on se quitte avec l'hymne zapatiste, notre générique de fin, comme d'hab, non, c'est bien ça. Merci à tous, on se retrouve au 3e lundi du mois de décembre, ciao.